Transcendance versus immanence. Voilà le sujet qui va être abordé. La transcendance par rapport à l'immanence, c'est deux concepts très différents, mais ils sont très fondamentaux pour aborder la réalité. Donc, c'est intéressant de les étudier pour mieux comprendre notre rapport au monde, puis la façon qu'on l'appréhende, que ce soit d'une manière consciente ou pas, les gens ont à se positionner dans leur rapport aux événements, aux situations, aux autres individus. Et si c'est une perspective immanente ou transcendante, c'est très différent, donc comme rapport à l'existence. Donc, transcendance versus immanence, tout d'abord pour parler de ces catégories, je vais commencer par les définir. Donc, la transcendance, c'est ce qui se passe lorsqu'une personne vise à connaître une réalisation qui est liée au dépassement de quelque chose. Donc, transcender, ici, il faut le voir comme synonyme de dépasser. Donc, la transcendance est associée, entre autres, au christianisme, à certaines philosophies aussi. Donc, elle a eu une incidence naturellement, cette vision, en fait, en Occident, donc dans les pays occidentaux en particulier. Donc, la transcendance, c'est, par exemple, la personne qui va dire à la religion du bouddhisme qu'elle doit transcender, dépasser ce qu'elle va appeler les plaisirs inférieurs, comme la sexualité, la gourmandise, pour parvenir à ce qu'elle qualifie comme étant les plaisirs supérieurs, donc atteindre un état de compassion, de gratitude, de calme mental. Donc, l'idée de la transcendance, c'est de dépasser certains éléments pour en atteindre d'autres. Donc, c'est sûr que la transcendance, c'est l'idée de se réaliser à travers un parcours où la personne doit dépasser certaines choses ou délaisser certaines choses. Donc, les gens doivent faire le sacrifice par exemple, dans certains cas, leur rapport à la sexualité. Donc, pour quelqu'un qui devient moine et qui fait vœu de chasteté, ça peut être de dépasser, par exemple, l'attachement à la dimension physique. Donc, quelqu'un qui fait vœu de pauvreté, donc privation des biens pour atteindre une forme d'état-réalisation espérée. Donc, un délai entre soi et la réalisation dans la perspective de la transcendance. Par contre, pour ce qui est de l'immanence, le sujet de l'aborder aujourd'hui m'est venu en lien avec l'écoute d'enregistrement du philosophe jovialiste québécois André Moreau. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur le web, notamment YouTube, de nombreux enregistrements qu'il a produits au fil des ans. Et je vais mettre en bas de l'enregistrement présent là, les coordonnées là, de site web là, se rapportant à ce philosophe québécois. Et par rapport au concept d'immanence qu'il amène, c'est à partir du principe que l'absolu est immanent ou relatif, donc la totalité peut être perceptible, peut transparaître à travers la dimension phénoménale. Donc autrement dit, la dimension nouménale est à travers le phénomène, autrement dit, l'infini est au cœur du fini aussi. Donc, ce qui va dans le même sens. Donc, dans cette perspective-là, la réalisation peut être vécue à travers l'existence sur le plan physique. Donc, la personne n'a pas à mépriser les plaisirs de la chair comme la sexualité ou faire vœu de pauvreté pour atteindre la réalisation, comme dans la perspective de la transcendance. Autrement dit, la personne peut être en contact avec l'absolu, avec l'être, même au cœur de l'activité sexuelle et de la jouissance que la personne peut connaître en plein ébat amoureux. Donc, ce qui est très différent. Donc, c'est sûr que le rapport au monde dans une perspective transcendante versus immanente est très différent. parce que dans la perspective transcendante, il y a un désir de dépasser certaines choses pour atteindre d'autres choses. Et ça, ça peut passer par des efforts, de la privation, par une forme de cheminement initiatique où l'individu va viser, par exemple, à pratiquer le jeûne, à avoir des pratiques aussi ascétiques, un peu comme on pouvait le voir là, dans le film Le Code de Da Vinci mettant en vedette Tom Hanks, où il y avait un individu qui, dans le fond, se devait Silas dans cette œuvre de fiction et qui se rendrait dans la cuisse une espèce de ceinture avec des piquants. Donc, le concept de ceinture de chasteté ou de mortification ou de s'infliger des souffrances avec un fouet. Donc, ça, c'est dans la dynamique de la transcendance où la personne croit qu'il faut qu'elle souffre et qu'elle expie ses péchés pour atteindre l'absolu, donc la réalisation, le contact avec Dieu. Donc, dans cette perspective-là de la transcendance, c'est une perspective où la personne se croit séparée de l'état de réalisation et qu'elle doit faire quelque chose pour y parvenir. Donc, c'est sûr que la perspective de la transcendance, mise en relation avec une approche religieuse réincarnationniste, ça donne la croyance qu'une personne doit épurer son karma pour parvenir à la réalisation, qu'elle doit se réincarner d'une manière successive pour que son âme puisse se dépouiller des péchés, dépouiller des éléments qui l'empêchent de monter, de s'élever en conscience. Et c'est sûr que la perspective de la transcendance, c'est la perspective que l'individu doit se dépouiller de certains éléments qu'il va évaluer comme étant bas pour atteindre quelque chose de plus haut. Tandis que dans l'immanence, le rapport entre le bas et le haut est différent. C'est-à-dire que l'individu ne se considère pas comme étant nécessairement bas pour atteindre quelque chose de plus haut, mais il peut avoir un rapport avec l'être comme étant quelque chose d'absolu qui est au cœur de sa dimension physique. Donc, il suffit que l'individu se donne à être pleinement celui qu'il est dans le ici et maintenant pour parvenir à la réalisation. Donc, il n'a pas à passer à travers un parcours du combattant avec des épreuves qui vont le façonner pour parvenir à être pleinement ce qu'il est. Donc, c'est sûr que dans la transcendance, c'est bien, il peut y avoir des gens qui vont vivre l'espoir de peut-être être pleinement dans le futur avec un certain état d'incertitude, voire même d'anxiété, parce que la personne vit un sentiment qu'elle n'est pas en totalité, qu'il lui manque quelque chose et que cette chose, elle pourra y avoir accès via une étude de réalisation plus tard. Donc, dans la transcendance, vu d'une perspective immanente, ça peut être perçu comme la personne qui remet le soin à demain d'être elle-même pleinement. Donc, une forme de procrastination, de remettre à plus tard le fait d'être pleinement. Tandis que dans l'immanence, eh bien, la réalisation est là, dans le ici et maintenant. Donc, elle immane à travers le présent. Donc, mais pour que l'individu soit disponible à bénéficier de toute l'autoréalisation auquel il peut avoir accès dans le ici et maintenant, ben, il faut qu'il soit présent à lui-même, il faut qu'il soit présent à son être. Donc, si l'individu est occupé à vivre un état d'anxiété, à savoir s'il va réussir à atteindre l'état de réalisation de son vivant, où il va devoir se réincarner pour connaître un état tel qui lui permettrait d'être libre de la roue de la réincarnation, s'il réfléchit à ça, ben à ce moment-là, il n'est pas disponible pour savourer tout l'état d'autoréalisation auquel il peut avoir accès dans l'ici maintenant, dans la perspective immanente, tout est là maintenant. Mais il suffit de le voir et il suffit d'être disponible à cela. Et c'est sûr que quand la personne est dans la course, dans la transcendance, qui peut être une forme de fuite en avant, Ben, la personne peut croire que, bon, là, il faut qu'elle fasse un pèlerinage religieux à un lieu saint pour parvenir à la réalisation. Il faut qu'elle fasse de la prière, il faut qu'elle fasse du jeûne, il faut qu'elle fasse des exercices de yoga, des exercices de méditation. Il faut qu'elle pratique des exercices de charité envers les plus démunis, et ainsi de suite. Tandis que pour parvenir à la réalisation, dans une perspective immanente, la personne a à ne rien faire de particulier sur le plan de l'action physique. A tout simplement accepté d'être pleinement ce qu'elle est. Vivre sa totalité, sa plénitude ici et maintenant. Et assumer la totalité de son être. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça vertigineux. Il y en a qui vont se sentir hésitants, angoissés par rapport à ça, parce que il y a des gens qui se font dire qu'ils n'ont pas besoin de faire un cheminement qui va se l'échelonner sur plusieurs incarnations, réincarnations. Du jour au lendemain, ben, ça peut leur créer une espèce d'état d'incongruence interne par rapport à ce qu'ils croyaient. Donc, pour savourer la vie à travers une perspective immanente, ça demande un travail de déprogrammation cognitif. C'est-à-dire que l'individu qui, par exemple, est dans le passé, était programmé dans une perspective transcendante, qui l'amenait à se séparer son état du moment présent et celui de la réalisation, doit réaliser qu'à quelque part, hier c'était maintenant, aujourd'hui c'est maintenant, puis demain c'est encore maintenant, puis après-demain c'est encore maintenant. Donc, d'une perspective immanente, c'est toujours maintenant. C'est-à-dire ici le maintenant primordial, le maintenant où ce que l'être se déploie. Le maintenant éternel qui est par-delà la temporalité et la temporalisation que la conscience réflexive peut faire dans son existence. Donc, si la personne réalise que, à quelque part, elle peut se donner à être pleinement maintenant et que, à quelque part, elle a accès à cette réalité, ben, à ce moment-là, elle n'a plus qu'à savourer la vie d'une perspective immanente. Donc, c'est sûr que la perspective immanente est très différente de plusieurs approches, plusieurs philosophies, plusieurs visions de la croissance personnelle, la spiritualité. Là, c'est en décalage là, avec beaucoup d'éléments qui ont été amenés. Elle n'est pas évidente à comprendre et à intégrer. Donc, c'est sûr que si la personne se fait dire qu'elle n'a pas besoin de se purifier à travers un paquet d'exercices, puis qu'elle a tout simplement à être pleinement ce qu'elle est, ça se peut qu'elle se dise c'est trop facile, c'est trop simple, voire même se sentir coupable de ne pas faire des efforts pour se prouver à elle-même qu'elle a une certaine capacité. Parce que les gens sont tellement conditionnés à croire qu'il faut qu'ils traversent des épreuves pour être réalisés ou être bien dans leur peau, qu'à quelque part, ils oublient que le fait que lorsqu'ils sont en activité pour faire des épreuves ou parvenir à quelque chose, bien, à quelque part, ils ne peuvent pas savourer pleinement qu'est-ce qui est là. Donc, c'est sûr que c'est particulier. Donc, c'est sûr que oser être pleinement, ben, c'est la clé pour intégrer un vécu dans une perspective immanente, puis ça change le rapport au monde. Et c'est sûr que dans une des conférences que j'écoutais, entre autres, d'André Moreau, il était question de la création du soi déjà là. Donc, autrement dit, l'être qui existe d'une perspective immanente, donc l'absolu au cœur du relatif. Donc, le relatif, c'est quoi? Ben, c'est la temporalité linéaire que peut vivre l'individu qui réfléchit, qui analyse, donc le passé, le présent, l'avenir. Donc ça, c'est relatif. Donc le moment éternel par rapport à ça, c'est celui qui est absolu. Donc ce qui fait dire, comme je le mentionnais il y a quelques instants, hier c'est maintenant, aujourd'hui c'est maintenant, puis demain c'est encore maintenant. Donc lorsqu'on se branche sur ce maintenant-là qui est intemporel, ben, à ce moment-là, on est en contact avec l'état de réalisation. C'est aussi simple que ça. Par contre, ça peut être difficile à accepter que ça soit aussi simple que ça pour des gens qui, par exemple, pendant plusieurs décennies, ont fait des efforts pour atteindre cela. C'est un petit peu comme la personne qui s'attend qu'il faut qu'elle escalade plein de montagnes pour éventuellement venir à connaître le sommet de son être, Alors que l'être a toujours été là, depuis son passé, dans le moment présent, étant donné que l'absolu est au cœur du relatif, mais peut-être qu'elle ne le voyait pas précisément parce qu'elle était occupée pour faire des plans pour gravir sa montagne puis atteindre son sommet. Donc, c'est sûr que ce que j'expérimente dans les derniers jours, c'est la perspective de m'installer dans l'immanence de mon être, dans le ici et maintenant. Donc, c'est un mode de vie qui est calme. C'est un mode de vie où je nourris pas de réflexion à l'idée, par exemple, est-ce que je vais réussir à fusionner totalement de mon vivant avec l'esprit, la conscience, autrement dit, l'être. Est-ce que je vais réussir à atteindre ceci, atteindre cela en termes de palier de conscience? Donc, mon souci n'est pas là. Mon souci est plutôt d'être bien dans ma peau, ici et maintenant. Donc, il n'y a plus une perspective présentement de ce que je suis expérimente de fuite en avant. Donc, autrement dit, est-ce que dans le futur, je vais commettre des actions qui vont me permettre de faire des prises de conscience, de rehausser mon niveau, d'atteindre ceci, d'atteindre cela? Non, il n'y a plus l'esprit de la démarche. Dans cette perspective-là, c'est plus d'être présent à ce que je suis. Donc, l'être, j'en ai une captation à travers ma sensibilité, mon intuition. Et ça me donne une direction. C'est ça, je travaillais par l'intérieur à l'être, mais encore faut-il s'ouvrir. Puis pour s'ouvrir à l'être, bien, il faut être dans un état de disponibilité, à être pleinement soi-même dans l'ici et maintenant pour permettre l'émergence intrique de s'opérer dans notre existence. Donc, la question de la création du soi déjà là, ça c'est un sujet qui a été abordé dans le cadre d'une conférence d'André Moreau que j'ai écouté, j'en ai écouté plusieurs dans les derniers jours, et lui il parle de la création du soi, c'est-à-dire l'être qui est déjà là. Autrement dit, c'est l'automouvement de l'être dans le moment présent éternel, intemporel, qui dépasse la linéarité du temps. Autrement dit, l'être se crée ici et maintenant, qui est le seul moment qui existe, et il a toujours été là dans le sens que hier c'était maintenant, puis il sera toujours là dans le sens que demain sera maintenant. Parce qu'en été, il y a eu un seul moment lorsqu'on sort d'un esprit réflectif puis analytique, lié à notre personne qui va interpréter les choses sur le plan relatif. Parce que sur le plan absolu, lorsque l'être est constitué dans un moment, ben à ce moment-là, la dimension éternelle jaillit, qui englobe l'ensemble des moments. C'est particulier à comprendre, c'est complexe. Donc, c'est sûr que c'est une façon différente d'appréhender le monde que peuvent le faire des gens qui, par exemple, croient qu'il faut qu'ils sacrifient toute leur vie et aller à messe régulièrement pour peut-être aller au paradis lorsqu'ils vont être décédés là, et se reposer là, sur un plan de lumière là, accompagné d'anges. Donc, c'est une vision très différente qui peut être déconcertante, bien entendu, par rapport à certaines personnes. Mais l'idée de l'immanence me ramène à l'importance de me donner un mode de vie qui est agréable. Donc, autrement dit, je n'ai pas à me priver pour atteindre un état de réalisation qui est incertain aussi. Parce que quelqu'un qui se prive toute sa vie de richesse dans l'espoir qu'en faisant vœu de pauvreté, il va se réincarner ou être libre du cycle des réincarnations, il n'y a aucune garantie que ça va arriver. Par contre, la personne qui s'occupe de bien vivre dans l'ici et maintenant, en faisant par exemple de l'entraînement physique, en se faisant bronzer sa peau au soleil si elle en a envie, en recevant ou donnant des massages, en vivant la sensualité sur Terre à travers, par exemple, des activités là, en plein air, là, où ce qui est en contact avec la nature, comme marcher les pieds nus sur une plage, dans l'eau, ou aller à un spa, ou même connaître la jouissance sexuelle, ben, si la personne est bien dans sa peau, ben, à quelque part, elle va célébrer la vie, mais elle va être capable d'apprécier qu'est-ce qui se présente à elle sans avoir l'impression qu'il faut qu'elle se sacrifie ou se détache de quelque chose pour avoir accès à autre chose, dans une perspective d'un sacrifice. C'est sûr que si, par exemple, la personne a sacrifié toute sa vie, puis finalement, elle décède, donc à ce moment-là, la situation de son corps biologique prend fin, ben, c'est sûr que son parcours sur la Terre n'aura pas été aussi agréable que quelqu'un qui vit dans la perspective qu'elle est réalisée ici et maintenant, puis qu'elle peut jouir de la vie. Donc, c'est sûr qu'en parlant de ça, je suis conscient que certaines personnes qui peuvent m'entendre et me dire, ben, la personne, à quelque part, elle peut, dans le fond, avoir à s'ajuster dans sa vie. Si elle a des tendances, par exemple, à connaître des excès alimentaires, à ce moment-là, peut-être que c'est intelligent qu'elle se prive et pour avoir un mode de vie plus équilibré. Et dans cette perspective-là, si on traduit ça dans le langage de l'immanence, elle n'a pas nécessairement à se priver de manger, mais plutôt à écouter le signal qui va provenir de son être, qui va lui indiquer quoi manger. Donc ici, ce ne sera pas une perspective de privation, mais plutôt dans une perspective d'une consommation de nourriture éclairée dans l'optique de s'ajuster à ce qu'elle est appelée à être. Et c'est sûr que si la personne, par exemple, se prive de contacts sociaux, parce qu'elle a peur qu'elle se prive d'activités sexuelles, parce qu'elle a peur qu'elle se prive de faire plein de choses, de sortir dehors chez elle, elle reste confinée chez elle parce qu'elle a tout le temps peur, bien, à quelque part, en faisant ça, ça se peut qu'elle manque d'ajustement par rapport à son être en intégralité et que, à quelque part, toutes ces formes de privation qu'elle connaît l'empêche d'être pleinement ce qu'elle est. Donc, ça va à l'encontre de son avoir à être qui peut chercher à s'actualiser à travers elle dans l'ici et maintenant. Autrement dit, l'individu a à s'ouvrir à être pleinement, mais l'individu qui s'ouvre à l'être, bien à ce moment-là, va connaître l'émergence du travail de l'absolu dans sa réalité qui va le façonner, le changer. Et là, c'est sûr que si on parle de façonner, il y a des gens qui vont dire, ben là, on tombe dans une perspective transcendante. C'est-à-dire partir d'un état donné qui va être raffiné par le travail de l'être pour progressivement atteindre un autre état. À ce niveau-là, ce qui doit être dit, c'est que l'être, lorsqu'on est en contact avec lui, l'être est parfait. Il n'y a pas à être raffiné. Donc, autrement dit, l'immanence de l'être qui surgit dans la conscience, l'individu n'a pas raffiné l'être en tant qu'absolu. Par contre, la personne peut être travaillée par l'être, mais il ne faut pas nécessairement voir ça comme étant un processus d'évolution progressive, mais c'est plutôt un ajustement à ce qui est déjà là, au point de réalisation, qui est déjà présent au sein de l'individu, ce qui est très différent. Autrement dit, si on part de la perspective, dans l'optique de l'immanence, que l'individu bénéficie de la totalité de l'autoréalisation qu'elle est, en fait, qui existe dans le présent, ben à ce moment-là, il est en contact avec ça, puis elle s'ajuste en conséquence. Et là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, ben c'est quoi la différence entre ça, puis s'ajuster à une conception de l'être plutôt qu'en tant qu'esprit qui, dans le fond, va nous guider, nous diriger vers une plus grande réalisation. En fait, c'est une question de traduction de l'impulsion intuitive qui provient de la profondeur de notre intériorité. Donc, dans la perspective de l'être, c'est que, à quelque part, l'être est pleinement réalisé dans le ici et maintenant, et lorsque l'individu est uni à l'être, par définition, il est aussi réalisé, c'est-à-dire qu'il vit l'absolu au cœur du relatif, au même titre que l'être. Et dans une perspective transcendante, bien, l'individu a à fusionner, si on aborde ça en lien avec des concepts en relation avec l'instruction supramentale qui a été véhiculée ici au Québec par Bernard de Montréal, dont on peut retrouver de nombreuses vidéos là, sur Internet. Donc, il est question que l'individu doit transcender, dépasser son affiliation au plan astral pour parvenir à un état de fusion. Et lorsque l'individu est prêt, il y a la descente de l'énergie qui s'effectue pour la travailler, la personne, dans l'optique qu'elle parvienne à un état éventuellement au fil de son existence, des incarnations, des réincarnations, de réalisation et d'un rehaussement de son taux vibratoire. En fait, ça c'est dans le langage de la transcendance. Dans le langage de l'immanence, l'esprit, autrement dit l'être, la dimension de l'individu, voit dans l'ici maintenant, l'esprit en tant qu'être éternel est réalisé. Bon, ben à ce moment-là, l'individu a tout simplement à s'ajuster à cela. C'est sûr que le plan physique est relatif. Donc, autrement dit, le plan fini peut être travaillé par l'infini que représente l'être en tant qu'absolu, mais il peut avoir un délai. Mais le délai n'est pas nécessairement lié à la transcendance de l'être. Donc, c'est pas lié à la transcendance de l'esprit. Donc, c'est une perspective particulière. C'est-à-dire que la personne, sur le plan biologique, va être par, à quelque part, l'esprit ou l'être, tout dépendant de la terminologie qu'on va utiliser. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, ça revient au principe de faire ce qui est intelligent dans le moment présent par rapport à soi, par rapport à l'absolu qu'on est, qu'on se donne à être. Parce que tant qu'on cherche à transcender une condition à ce moment-là et qu'on résiste à cette condition-là, on est disqualifié pour être pleinement. Donc, autrement dit, la personne qui, par exemple, sur le plan de l'expérience humaine, va vivre un deuil, donc la personne vit un deuil d'une autre personne, si elle est en contact avec son être, bien, à ce moment-là, elle est branchée à un état de plénitude à l'intérieur d'elle, un peu comme un soleil qui, peu importe la nature de l'événement, continue à rayonner. Donc, qui a une pandémie sur Terre, qui liait des raz-de-marée, qui ce soit une situation de pauvreté, de richesse, le soleil irradie de sa lumière. Alors, l'être est un peu comme un foyer jaillissant de lumière, donc un foyer d'absolu au cœur du relatif. Et c'est sûr que dans la perspective de vivre l'être, la personne n'a pas à s'élever, dans le sens élever ses vibrations, parce que s'il est en contact avec la vibration de l'être, il est en contact avec la totalité de ce qu'elle est. Donc à ce moment-là, de s'élever, ou ça vient aussi amener à induire l'idée qu'elle est basse. Donc si quelqu'un se croit faible, ben il doit se renforcer. S'il se croit bas, il doit se lever. Parce que si l'individu est en contact avec l'être, la dimension éternelle, il n'y a pas à s'élever pour s'ajuster à l'être parce qu'il peut le capter dans le ici et maintenant. Comme d'une perspective transcendante, la personne capte l'esprit, mais dans une perspective transcendante, la personne doit élever sa conscience pour intégrer davantage l'esprit, tandis que dans une perspective immanente, la personne est tout simplement dans un état de disponibilité interne à l'être qui va façonner son existence. Dans un sens, il y a des éléments qui sont similaires, mais la perspective change. Mais le fondamental de tout ça, c'est de réaliser que c'est ça qui donne, qui enlève, je pense, un stress ou un état d'anxiété. C'est que, à quelque part, l'être, lorsqu'on le perçoit dans le maintenant, on a la confirmation qu'on a réalisé. On n'a pas à vivre dans le doute, l'anxiété existentielle, l'angoisse, et ainsi de suite. Donc, c'est tout simplement ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est un changement de perspective. Et c'est sûr que si je pose la question maintenant par rapport à, entre autres, à l'instruction supramentale qui m'a intéressé là, pendant de nombreuses années que j'ai étudié, donc par rapport à l'instruction supramentale, est-ce que l'instruction Bernard de Montréal, dans le fond, visait à quelque part être dans une perspective de transcendance où la personne doit faire des choses pour parvenir à un état de réalisation? Comme par exemple pratiquer des jeûnes, pratiquer la chasteté, faire certains sacrifices. La réponse, c'est non. D'ailleurs, Bernard de Montréal disait « Occupez-vous de votre steak ». Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui croient qu'ils doivent pratiquer le végétarisme pour parvenir à la réalisation de la conscience ou arrêter de fumer la cigarette, alors que lui fumait la cigarette, ben quelque part, c'est pas nécessairement des éléments là, qui vont permettre cela. Donc, le point, c'est que la personne, d'une perspective supramentale, d'ailleurs, Bernard disait, occupez-vous pas de ça, là, la conscience, là, occupez-vous d'être bien dans votre peau. Occupez-vous là, de fonctionner au travail, votre couple, puis aussi avoir de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette perspective-là, finalement, quand on en regarde ça, ben, ça rejoint la perspective de l'individu qui n'a pas à soucier d'évoluer pour parvenir à la conscience. Et que la personne, à quelque part, dans une perspective immanente, elle s'occupe d'être bien dans sa peau, puis elle bénéficie de l'autoréalisation qu'elle a. Donc, autrement dit, dans la perspective immanente, la personne ne feint pas d'être ignorante. Autrement dit, la personne s'autorise à se donner accès au savoir maintenant. Elle ne remet pas à plus tard le soin d'être savante, le soin d'être consciente. Non. Elle s'autorise à définir le réel par elle-même dans une perspective d'une conscience souveraine et autonome pour faire jaillir ce qu'elle a besoin dans le ici et maintenant. Donc, autrement dit, la personne qui est dans l'immanence, ben, elle est totalement en contact avec le réel. Et c'est sûr qu'une personne peut m'écouter, ben, ils vont me dire, ben là, c'est dangereux ce comportement-là, parce que ça peut faire des gens qui sont orgueilleux, des gens qui vont vouloir s'imposer aux autres. Et ce que je réponds, c'est que, à quelque part, quelqu'un qui est en contact avec le réel de son être peut être en contact simultanément avec le réel des autres. Autrement dit, la personne peut être attentive à autrui. Donc, dans la perspective de ne pas les dominer, donc être en contact avec l'être dans le présent, ça ne veut pas dire de dominer les autres, mais ça veut dire d'être soi pleinement. Donc, il y a des nuances à faire. Mais ce qui est intéressant, puis je vais compléter l'enregistrement là-dessus, c'est de réaliser qu'à quelque part, c'est souvent l'individu qui, par amour d'un lointain qui idéalise, le désir, parce que souvent quand les gens écoutent des films, ils vont s'identifier au parcours du héros, donc lorsque le film commence, la personne est à un point A, il subit des épreuves pour parvenir à un état de conscience de point B, pour parvenir à la réalisation, un petit peu comme dans Star Wars, là, le parcours du héros qu'on voit à travers le personnage de Luke Skywalker. Donc, si on prend l'épisode 4 là, de cette série de films de science-fiction de la Guerre des Étoiles, eh bien, Luke Skywalker est un agriculteur et il est confronté à des épreuves, des combats, et il devient un chevalier Jedi. Donc, son état A est modifié pour parvenir à une réalisation, donc devenir un chevalier Jedi, c'est-à-dire un maître, alors qu'au début, il était disciple de Ben Kenobi. Donc, son état change, son état est altéré, puis parvient à une forme de réalisation à travers un parcours personnel. Donc, dans la perspective transcendante, la personne doit cheminer pour parvenir à la réalisation, puis elle doit faire des épreuves activement pour cela. Tandis que dans l'immanence, la personne, elle n'a rien à faire, sauf se laisser être et être présent pleinement à elle-même, pour que la dimension intemporelle jaillisse dans la dimension temporelle de son existence, ce qui est très différent. Donc, la personne ne peut rien prouver elle-même ni aux autres pour être pleinement. Elle a tout simplement à se savoir dans le ici et maintenant. C'est sur ces considérations que je vais compléter cette capsule audio qui visait à faire la distinction entre la perspective de la transcendance et de l'immanence. Pourquoi que je vous parle de ça? Parce que ça m'amène à la perspective immanente à vivre d'une manière beaucoup plus calme, beaucoup plus relaxe. Je pars du principe que si je me sens être, bien, je suis réalisé à quelque part. Donc, j'ai rien à prouver à moi-même ni aux autres. J'ai pas besoin de faire d'efforts. J'ai pas besoin de convaincre des gens. Non, juste à être moi-même. Et que, à quelque part, à travers l'être qui est la dimension de moi-même, qui est connecté à ma conscience, qui est en relation avec la dimension physique, parce que je pars du principe que je suis un être multidimensionnel, je pars du principe que j'ai toutes les informations que j'ai besoin dans le ici et maintenant et que je me donne à savoir ce que j'ai besoin dans le ici et maintenant. Et que, quelque part, tout est là. L'absolu étant immanent relatif, toute information ou élément pertinent peut, dans le fond, émerger dans le moment présent. Je peux communiquer avec mon être profond, à travers, entre autres, de l'introspection, puis regarder qu'est-ce qui émerge. Et c'est sûr que je pars du principe aussi que l'être, c'est une dimension de moi-même qui est en relation avec la totalité. Mon être n'est pas lié à un état de conscience localisé. Il est par-delà mon corps physique. C'est un petit peu comme le concept d'esprit. Sauf que dans la perspective de l'esprit, véhiculé par l'instruction supramentale, l'esprit évolue à travers l'être humain. Et si l'esprit ne réussit pas à s'affilier psychiquement avec sa contrepartie terrestre, la partie terrestre doit se réincarner dans une autre vie pour que le contact s'effectue. Tandis que dans l'être, le contact avec la dimension de nous-mêmes qui est par-delà la dimension physique est présente. Et dans l'être n'a pas besoin de se réincarner pour pouvoir atteindre un état de perfection parce que le simple fait qu'il est en contact avec la totalité fait en sorte qu'il est déjà parfait en tant qu'absolu. Il n'a pas besoin de parvenir à un état de réalisation à travers le devenir de la personne. Ce qui est très différent là, comme perspective. Là, c'est vrai, je vais arrêter là, de parler. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.